Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette deuxième partie de l'épisode 5 du podcast de la nuit. Si vous n'avez pas écouté la première partie, elle est dispo depuis quelques jours déjà. On parle des films de Gérard Armé 2021. Et dans cette deuxième partie, parce qu'on aime beaucoup le cinéma de genre, on va vous parler de films qui sont passés par Gérard Armé dans le passé. Voilà. Et donc, on va commencer par un film qu'Ulysse voulait nous présenter, à savoir Donnie Darko. Donnie is experiencing what is commonly called a daylight hallucination. I have to obey him. He saved my life. Have you ever seen a portal? Has he ever told you about his friend Frank, the giant bunny rabbit? The what? Alors, déjà, pour vous parler un peu de mon amour pour ce film, là, juste à côté de moi, il y a une énorme affiche format cinéma de Donnie Darko. J'ai le DVD de Donnie Darko, je l'ai vu plusieurs fois. Et ce film est un chef-d'œuvre, tout simplement. C'était pour moi le meilleur film qui a été primé à Gérard Armé, donc il a eu le prix du public. Donnie Darko, ça va raconter l'histoire de Donnie Darko, qui est un adolescent qui souffre de problèmes mentaux, comme par exemple plusieurs personnalités, genre schizophrénie et problèmes émotionnels qui vivent dans sa famille. Et un jour, il y a un réacteur d'avion qui va tomber sur sa maison et qui était censé le tuer. Mais lui, en fait, il n'était pas là à ce moment-là parce qu'il a entendu l'appel d'un lapin, un homme lapin un peu bizarre qui s'appelle Frank et qui lui annonce donc la très prochaine fin du monde. Donnie Darko, c'est un film un peu culte, déjà très très culte. C'est un peu le summum du film culte, c'est genre c'est le film qui a proposé Jack Gyllenhaal et qui attends, Jack Gyllenhaal, c'est comme ça que ça se dit, Gyllenhaal, oui, au-delà c'est Jake et puis Jake Gyllenhaal, oui, ça c'est vraiment Gyllenhaal, sérieux? Ouais, ça fait tellement pas, ouais, mais on dit Gyllenhaal, mais ça c'est la version, voilà, mais il est je sais plus de quel pays. D'ailleurs, tu savais que Charlize Theron, ça disait Charlize Throne. Oh putain. Parce qu'elle est d'Afrique du Sud. Ah ok. Apparemment, ça se dit Yilinaile. Ah oui, Yilinaile. Yilinaile. Voilà. Donc, Jack Gyllenhaal. Et on va dire Gyllenhaal comme apparemment. Oui, je veux dire Jack Gyllenhaal comme tout le monde, parce que voilà. C'est un film réalisé par Richard Kelly, c'était son premier film, il avait la vingtaine. C'est un film qui est produit par Nolan, non? Ouais, c'est Christopher Nolan qui produit le film. Et c'est un film qui parle de physique quantique. Donc pendant tout le film, on va avoir des concepts de physique quantique qui vont nous être exposés, et le film va jouer avec ça. On parle de voyage dans le temps, on parle de plein de trucs assez vénères. Je vous conseille de regarder le film en version cinéma parce que la director Scott explique un peu trop et les zones d'ombre du film, et voilà. Il est beaucoup plus intéressant, c'est un film qui s'analyse, un film qui n'est pas spécialement ultra, ultra, ultra simple à comprendre, mais c'est un putain de chef d'œuvre et il a marqué beaucoup les esprits. Genre, il était censé sortir en 2001, etc. Mais le problème, c'est qu'il y a eu son appel le 11 septembre, et du coup, il y a eu un crash d'avion dans le film. Il y a un crash d'avion dans le film, et du coup, bah, ça n'a pas très bien marché. Donc le film s'est vraiment fait connaître en direct ou vidéo, etc. Et on est du coup sur vraiment un film ultra abouti, un film ultra complexe, un film somme, un film surréaliste, un film bizarre, un film drôle aussi. Ça reste quand même un putain de teen movie, avec une musique très années 90, 80-90, qui est sublime. C'est vraiment un film qui un peu aussi témoigne de son époque en termes au niveau de l'adolescence, etc. Et putain de merde, on a vraiment cette jeune qui a un de ses premiers rôles, et ça c'est très très drôle. Donc ouais, moi Donnie Darko, c'est un de mes films préférés, que ce soit en termes de la musique de base, que ce soit en termes des effets spéciaux, que même s'ils sont datés, voilà. Et la fin du film qui est un gros gros gros gros kiff. Mais je peux pas trop parler de Donnie Darko sans spoiler, c'est ça le problème en fait. C'est un film qui va se vivre. Et donc regarde Donnie Darko, c'est une des œuvres du cinéma les plus géniales. C'est une des plus grandes œuvres du cinéma. Et d'ailleurs, tu sais qui jouait la sœur de Donnie? Bah, la sœur de Jack. Ouais, c'est ouais, Maggie Gyllenhaal. Bon. Maggie, quoi? Oui. Ouais, mais je suis assez étonné que, en tant que grand amateur de Greg Araki, t'aies pas parlé de qui jouait Frank. Alors, Oui, putain de merde, oui. Sauf que je suis trop défoncé pour me rappeler de son nom. James Duval. Ah, James Duval. Donc James Duval, qui est un de ses rôles, encore une fois, parce que James Duval, c'est un mec qui s'est vraiment illustré dans le cinéma underground, le cinéma indépendant. Enfin, sauf quand on prend en compte qu'il a joué dans un film dans Independence Independence Day, quoi. Day. Mais oui, il a joué dans la trilogie Totally Fucked Up de Greg Araki, qui est aussi un La must Teenage have seen. Philipsology. Ouais, la TAP. Non, la TAT, pardon. Et c'est un acteur que j'aime énormément. Et je vous conseille, si vous aimez cet acteur aussi, je vous conseille vraiment de mater la TAT. Vous allez adorer. J'en ai fait un post sur Instagram, donc vous pourrez le voir. J'ai aussi fait un post sur Denis Darko, mais voilà. Regardez, bordel de merde, Denis Darko, regardez la TAT. C'est sublime. C'est génial. C'est le meilleur du cinéma indépendant américain. Voilà. T'en as pensé quoi, toi, Roman? Alors, Denis Darko, je vais avouer que j'en ai pas énormément de souvenirs. Je l'ai vu, j'ai dû le voir peut-être en cinquième ou en quatrième. J'ai dû le voir en quatrième, Denis Darko, je crois. Je l'ai vu une ou peut-être deux fois. C'est un film devant lequel j'ai passé un bon moment, mais un film qui m'a pas spécialement marqué et qu'il faudrait que je revoie. Qu'il faudrait très probablement que je revoie. D'ailleurs, récemment, je me suis trouvé le Blu-ray de The Box aussi de Richard Kelly, donc qui est le réalisateur de Denis Darko. J'ai tous les films de Richard Kelly en DVD. Ah, c'est cool ça. Mmh. Bah, c'est pas lui Il qui en a fait fait trois. Il en fait South trois. Sand Tales avec The Rock? Oui, c'est celui qui a fait ça. Ah, ok. Et ouais, j'ai pas énormément de souvenirs de Danny Darko. Je me rappelle du coup des scènes avec Franck, Ouais. évidemment. Mmh. Qui est un putain d'icône d'ailleurs. Qui est quoi? Qui est devenu un putain d'icône. Ouais. D'ailleurs, tu l'as vu en VF ou en VO le film? En VF. D'accord, parce que donc tu vois la voix de Franck en VF. Carrément. C'est une voix très caverneuse. La voix de Franck en VO, c'est une voix d'homme normal. Bah, c'est la voix de James Duval normal en fait. Oui, mais c'est ce qui me dérange un peu en fait avec la VO. Je trouve la voix de Franck beaucoup plus prenante, en limite hypnotisante en VF. Bah, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur Donnie Darko. Pour le coup, j'ai pas beaucoup de souvenirs de ce film. Un film en revanche dont j'ai un peu plus de souvenirs, puisque je l'ai vu plus de fois. C'est le prochain film dont on va parler dans les films du passé, à Pascal. savoir Ghostland de Pascal Laugier. She keeps reliving that night over and over. Are you gonna let me die alone? I never should have stayed in that house. No one is here. No one is here, Vera. I know what you want from your sister. They broke me, and now they're playing with you. Alors, Ghostland, ça raconte l'histoire d'une mère et de ses deux filles qui héritent d'une maison. Sauf que au moment où elles s'installent, deux hommes vont venir et foutre la merde. Et on retrouve ensuite la plus jeune fille de la famille, quelques années plus tard, où elle est devenue une romancière connue. Très inspiré par Lovecraft. Et elle reçoit des appels étranges de sa mère, qui vit toujours dans la maison avec du coup sa sœur. La sœur est traumatisée par ce qui s'est passé des années plus tôt avec ces deux hommes qui sont venus, qui ont essayé de les tuer, mais que leur mère a finalement réussi à arrêter. Donc Ghostland, donc c'est réalisé par notre très cher Pascal Laugier National, qui n'a à son actif que quatre films, il me semble. Il y a donc The Secret, qui a Martyr, et qui a Saint Ange, c'est ça. Donc quatre films. Alors, si vous avez vu Martyr, vous savez ce que c'est un peu le style de notre très cher Pascalou. Oui, c'est horrible. Je regrette d'avoir vu Martyr. Non, je regrette pas, mais ah, j'en parlerai plus tard. Vas-y. Et donc Ghostland, c'est tellement prenant, ça te prend aux tripes, mais Oui. d'une force. Bah, c'est un fantôme, c'est un mélange entre un Space Mountains et un Palais de l'Horreur. C'est ça. Et donc, il y a un plot twist dans le film qu'on ne révélera pas parce que Parce que ça Jean gâche le film, Tueur, quoi. voilà. Ouais. Parce que Jean Tueur, Running Gag, si vous n'avez pas écouté l'ancienne émission, allez l'écouter. Mais juste Ghostland, le scénario est absolument incroyable. Les actrices sont incroyables. Oui, les jeunes comme les adultes sont incroyables. Quand même la catin. Comme la... Tous avec moi. Je Je suis suis libertine. libertine. Je suis une catin. Je suis si Je suis fragile fragile qu'on qu'on me me tienne tienne la la main. main. Voilà. Donc il fallait chanter du Mylène Farmer, c'est fait. Maintenant nous sommes Il ne peut officiellement me faire de acceptés peine à par la partir. communauté gay. Mais vous êtes déjà accepté, il y a moi aussi les mecs, hein. C'est vrai. Mais t'es le gay le plus homophobe que je connaisse, ça compte Oh, pas. c'est vrai. Oh, le génie. Ah, oh, les Belges la gardent, celle-là, elle est magnifique. On s'est mis LGBT à dos là. Franchement, une commu de plus. Allez hop, retournez dans votre putain de communauté, bande d'enculés. Littéralement, je l'ai. Littéralement, ouais. Oh merde. Sinon, parlez de cinéma à la base, je sais pas si vous vous en souvenez. Ah bon? Ah ouais? Ah, on n'est pas une émission de blagues racistes? Non, non, non. Ah, je croirais. Je croirais. Faudrait qu'on fasse un épisode spécial, on se met tout à dos. Oh grave. Sinon, Ghostland. Oui, Ghostland. Il n'y Du a pas coup, dans le café de Ghostland. Ghostland. Du coup, Ghostland. Vas-y, finis. Donc oui, le scénario est fou avec ce putain de plot twist qui arrive au milieu du film. En turnover. Oui. Voilà. Le terme exact, monsieur. Certes. Mais surtout, le film est extrêmement dérangeant. Genre, la scène de la poupée. Voilà. J'ai éveillé des relents Quoi, elle se de pisse dessus là? répulsion chez certains. Sinon, elle se pisse dessus? Oui. Oui, c'est vrai. Bah, on peut pas trop vous en dire là parce que film à twist, mais Ouais, ça niquerait le film. film à turnover même. C'est vrai. Mais putain le Vas-y, je putain, prends. juste Putain. putain. Je prends ta suite. Jean Tueur. Vas-y, prends la suite, Hugo. Alors, je sais pas si je l'avais déjà raconté dans ce podcast, mais moi, il faut savoir que je suis un malade, en fait. Ulysse le sait, je crois que Roman le sait. J'ai vu les deux versions d'Irréversible dans la même journée. Voilà, Et t'as bandé premièrement. devant la scène de viol comme devant comme tonton Gaspard? Ah, quelle horreur. Ah, quand elle m'a dit ça, Sophie, j'étais pas bien. Bref, autre chose, je sais pas si vous le savez. J'ai maté Martyr. J'ai été trauma par Martyr. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, hein, Mylène Japenoy et Morgana Alaoui, qui sont les deux actrices qui jouent dans Martyr, ont déclaré en interview qu'elles ne travailleraient plus jamais avec Pascal Laugier. Voilà, pour vous donner un niveau de voilà, le film était interdit au moins 18 ans de base à sa sortie. C'est des petits trucs en contexte qu'on Je l'ai oublie, fait hein. montrer, je l'ai montré à mon ex hier, elle a fini traumatisée. Oui, bah c'est normal. Et bref, du coup, bah, le film Un était tout bâtard aussi aussi, bien. je lui ai conseillé de mater Ghostland puis Martyr dans la même journée, je pense qu'elle me déteste maintenant. Et bah du coup, c'est là où je veux en venir, c'est que je me suis dit, franchement, tu t'es fait traumatiser par Martyr, enchaîne avec Ghostland, t'as rien à perdre. J'ai maté quasiment, genre à 1 heure ou 2 d'intervalle, Martyr et Ghostland. Ah mais tu cherches aussi. Voilà, je me suis dit, j'ai rien à perdre. Nique sa mère, on va y aller. Et ce fut une belle journée trauma dans ma vie. Alors il faut savoir que je trouve que Ghostland, comparé à Martyr dans le traitement de ses personnages, ils sont gentils, ils sont très gentils, je trouve, sincèrement. Ils sont vachement gentils, mais moi j'aimerais bien vivre dans Ghostland comparé à Martyr. Est-ce que tu aimerais vivre dans Évangélion romaine? Non. Merci. Et il faut savoir aussi que une des deux personnes donc qui envahit la maison est jouée par Elmo Au pays des grincheux, on l'avait pas calé, il fallait que je le fasse. Oh, on serait mort sinon, on serait mort les gars. Dire que, ouais, le mot pays des grincheux, c'est le meilleur personnage dans Ghostbusters aussi. Bref, maintenant que c'est dit et qu'on ne va pas mourir parce qu'on n'a pas calé Elmo, parce que voilà, parce qu'on a réussi à caler Elmo pays des grincheux dans le podcast. On n'a pas encore calé Inigo de Montoya, c'est à voir après. Oh chut, non, vraiment pas. je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Roman, c'est-à-dire que pour moi, il y a vraiment, à l'image de Martyr d'ailleurs, il y a vraiment deux étapes dans le film. Il y a la première partie, où on la suit quand elle est écrivaine et qu'elle revient dans cette maison, etc. Et il y a le turnover qui va amener un tout autre film. Et du coup, voilà, tout ça pour dire que le cinéma de Pascal Laugier, malgré ce que certaines personnes pensent à tort, n'est pas misogyne. Au contraire, alors oui, ces films sont hard en termes de traitement et de violence avec ces personnages féminins. Mais mine de rien, je trouve que c'est quand même des figures fortes, que ce soit dans Martyr, que ce soit dans Ghostland, c'est des figures fortes qui, où on retrouve à peu près les mêmes sujets, où on retrouve le sujet du traumatisme, où on retrouve le sujet de la violence, où on retrouve, mine de rien, une certaine forme d'émancipation. Oui, ça, c'est ce qu'il a dit, Pascal Laugier, en fait. Les personnages féminins de ces films s'émancipent par la douleur. C'est ça. Et c'est totalement vrai, oui, sincèrement, au-delà de c'est malsain, c'est violent, ça met mal, ça fait peur, c'est un excellent film, il n'y a pas de souci en termes cinématographiques, c'est un très bon film, mais voilà, ça parle aussi de sujets plus larges, entre guillemets, comme ces sujets-là, et deux anecdotes pour finir, d'abord, on vous a dit qu'il y avait Mylène Farmer dans le film, c'est parce que en fait ils se sont connus avec Pascal Laugier sur le tournage de son clip qui s'appelle City of Love, et donc Laugier a réalisé le clip et Mylène Farmer voulait jouer dans un film et du coup elle a lu le script, enfin il y a une bonne alchimie entre les deux, au moment où elle a lu le script elle a vraiment forcé pour faire le rôle et du coup elle l'a eu. Et une autre anecdote un peu moins cool, c'est Taylor Rickson qui joue Vera, je crois que c'est ça le nom de... Ouais, la Vera... Vera jeune. Ado, ouais, Vera très jeune, qui en gros a fait une scène où en gros j'ai pas tout compris, je crois qu'elle devait péter une vitre ou un truc comme ça. Elle devait passer à travers une porte vitrée. Ouais, passer à travers une porte vitrée, et donc ils lui ont dit mais t'inquiète pas, c'est sûr, et en fait c'était pas trop sûr, et du coup elle a eu une grosse entaille sur le visage, et ils ont dû lui faire 70 points de suture, et maintenant elle a une grosse balafre sur la joue gauche, et donc elle a porté plainte contre la prod. Donc non, vraiment, regardez Ghostland, c'est vachement cool. Si jamais vous avez trop peur de Ghostland, regardez Ghostbusters. Oui, éventuellement. Et si jamais Ghostland ça va, si vraiment vous dites « Ok, je peux encaisser plus », regardez Martyr. Grand jeu. Oui. Je pense pas qu'ils peuvent encaisser le choc psychologique de mots au pays des grands jeux. Ouais, c'est chaud quand même. Hein. J'attends toujours mon DVD. Ah la vache, le running gag. Et donc du coup, pour conclure, vraiment, avant de laisser la parole à Ulysse. Je pense que j'ai rien à dire, moi, je vous ai tout dit, et moi j'en ai parlé en même temps que vous parliez. Ok, pour conclure tout court, le film... Attends, pour conclure tout court, je peux conclure. Alors je finis avec ma petite anecdote et tu concluras tout court. Même si t'as pas trop l'habitude de conclure toi en général, mais c'est pas grave. Si, je suis un pro pour la conclusion. C'est ce que me disent mes ex. Donc bref, le film, voilà, moi c'était juste pour revenir sur son palmarès à Gérard May. Il a eu le grand prix, le prix du public et le prix du jury Sci-Fi. Voilà, d'ailleurs Sci-Fi, merci beaucoup. Voilà, c'est grâce à vous qu'on a vu les films. Merci, le nom de le communisme vous salue. Allez, conclue Ulysse. Alors conclue. Voilà, merci beaucoup. Eh bien, on va maintenant enchaîner avec le premier long métrage dont j'ai tenu à parler. On reste dans les réalisateurs de genre français, puisqu'on va parler de Grave de Julia Ducournau. « Alors, grave, c'est l'histoire Grave. de... Oh, genre... Oh. Putain de merde, on l'a fait maintenant. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote, on va commencer par ça, du coup, vu que tu m'as attaqué sur le titre. J'ai vu une interview de Julia Ducournau qui disait qu'en gros, elle avait choisi ce titre parce que aujourd'hui, c'était un mot qui était utilisé pour vraiment tout et n'importe quoi. Ouais, le trouver ultra galvaudé, ultra Ouais. utilisé à outrance, ouais. Qui aujourd'hui est complètement sorti de son sens, tu vois, genre en mode l'exemple qu'elle a pris, c'est tu viens à la soirée, ouais, grave. Alors que tu vois, à la base, grave, c'est genre vraiment un truc qui marque, tu vois, solennel, tu vois, un truc grave, c'est la gravité aussi. Elle dit que, bon, elle est partie dans une réflexion du genre, on est soumis à la gravité terrestre, tu vois, il y a aussi cette dimension-là. Mais du coup, bon, bref, j'ai trouvé ça assez cool comme explication de titre. C'est par rapport au fait que c'est un film qui parle de cannibalisme et qu'aujourd'hui le film de cannibalisme, bah, il était un peu en mode YOLO, YOLO, on fait des cannibalismes rigolos. Et que du coup il a dit non mais le cannibalisme c'est pas ça les gars. Et du coup elle a remis le cannibalisme dans son contexte. Tout comme elle remet le mot grave dans son contexte parce que grave c'est quelque chose de grave et ce qui se passe dans le film c'est grave. Bah grave, ça raconte l'histoire de Justine qui est surdouée, qui va rentrer dans une école vétérinaire beaucoup trop tôt, c'est-à-dire qu'elle a 16 ans et en gros bah la moyenne d'âge c'est plus 18 quoi. Et en gros elle va être forcée par un bizutage à manger un bout de rat cru alors qu'elle est végétarienne. Non, un rein de lapin. Ah c'est pas du rat. Non, c'est du rein. Ah merde. Bon bah j'ai un souvenir assez approximatif du film du coup. Non, bon bah j'ai toujours cru que c'était du rat. Bon bref, Non, bon bah c'est un rein. c'est un rat, ok bah très bien. Un rat de lapin, bon bref, tout ça pour dire que rat, lapin, n'importe quel animal, ça va réveiller quelque chose en elle qu'elle aurait peut-être préféré laisser bah enfouie. Voilà. Philosophie. Non, du tout. Sa passion pour la viande et notamment la viande humaine. Voilà. La viande humaine, tu la tiens dans ta main. Je vais pas être original, voilà, je vais répéter tout ce qu'on a déjà dit sur Grave, que c'est un putain de chef-d'œuvre, que ça a été une énorme claque, que ça a réveillé le cinéma de genre français, qui était un petit peu à l'arrêt, voilà, Ça a aussi réveillé ma passion pour la viande humaine. mais... Ouais, moi aussi, depuis, je bouge beaucoup plus de gens, c'est vachement Depuis, je suis cool. célibataire. Référence à la fin du film. Oui. Donc ouais, moi j'aimerais surtout parler de l'esthétique, et notamment aussi de l'esthétique un peu de la mise en scène. C'est un film qui, en fait, quoi qu'il arrive, et c'est ça que je trouve assez fascinant, qui va vraiment rappeler le sang, genre vraiment sur toutes les scènes. C'est-à-dire que on dirait presque le sang, c'est le personnage principal du film. C'est-à-dire que ce soit la couleur, que ce soit la liquidité, etc. C'est vraiment le sang qui va être rappelé H24, je pense. Par exemple, bon bah t'as beaucoup d'ambiance rouge évidemment. Je pense aussi à le moment où elle va dans cette espèce de partie, enfin de soirée étudiant, où on lui balance un gros pot de peinture, tu vois, enfin toutes ces liquidités et tout qui vont te rappeler le sang. C'est porté par Garance Marillier, donc qui le point César, c'est parti. Qui s'est fait voler son César par Camélia Jordana. Donc je dis pas que le brio c'est pas bien, hein, j'ai trouvé ça plutôt cool le brio, mais comparé à Grave, voilà, et comparé à la performance de Garance Marillier, qui est glaçante, qui est terrifiante, j'ai ce plan dans ma tête où tu sais elle a la soirée, elle est assise comme, enfin je sais Oui, pas, tu vois, oui, enfin. je vois très bien. Vous voyez, voilà, avec le Tu fond regardes la rouge. scène de l'œil là? Ouais, oui, où t'as quelqu'un qui lâche un œil juste avant. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas très Covid. Oui, très clairement. Conjonctivite, bonjour. Oui, c'est ce que j'ai pensé aussi. Que je petit plus Covid. Oh, on est bien. Conjonctivite. Oh, joli. On en parlait dans l'épisode sur les films du présent de Gérard May. Il y a Jim Williams, qui est le compositeur qui a travaillé sur Possessor aussi, qui a eu d'ailleurs la meilleure musique pour Possessor à Gérard May. Qui a travaillé aussi sur Grave et qui livre une BO géniale. J'adore, je l'écoute vraiment régulièrement. Et qui s'est fait voler son César par le compositeur de la musique de 120 battements par minute. Bah, en fait, de manière générale, Grave s'est fait voler beaucoup de César parce que Grave a eu 6 nominations et n'en est reparti avec aucun. Mais on en reparlera quand on parlera de films espagnols, notamment avec Putain Pékin. de scandaleux. Oui, c'est un scandale. Voilà. C'est pas grave avant que Roman en parle. Si tu veux, j'aimerais juste finir, bon bah déjà en vous disant de vraiment regarder Grave parce que c'est une réussite en tout point et que bah, on attend toujours, toujours vraiment toujours ce que Julia Ducournau va faire ensuite parce qu'elle a fait deux épisodes de Servante qui est une série produite par Shyamalan, mais Bah, apparemment, on retrouve pas trop son style. Et donc, moi, j'attends Titane, qui doit sortir cette année, qui sera son deuxième long métrage, donc j'ai très hâte. J'ai Et beaucoup d'infos sur Titane, vu qu'un membre de ma famille travaille dessus. Oui, je te laisserai enchaîner. Je finis juste par une petite anecdote. Il faut savoir que, en gros, on a demandé à Garance Marillier en interview, mais t'étais pas dégoûté de la viande juste après, en fait? Et en gros, elle a dit, bah non, parce que c'était du sucre en fait. Tous les trucs qu'on voit, genre le doigt, etc. Oui, la scène du doigt est fabuleuse, vraiment, j'adore. Tous les trucs qu'on voit, genre le doigt, etc. En fait, c'est du sucre. Donc, j'ai vraiment pas pu manger de produits sucrés pendant longtemps après le tournage. Mais c'est juste ça, c'est pas de la viande. Et d'ailleurs, elle a aussi dit que elle a dû apprendre à ne pas être constamment dans l'esprit du personnage parce que ça l'aurait rendue folle et que c'était quelque chose qu'avant Grave, elle n'arrivait pas à faire quand elle tournait vraiment. Elle a parlé d'une scène dans Junior, qui est un court métrage de Garance, de oui de Garance, non de Julia Ducournau. Voilà. Qui est dispo sur Shadows, abonnez-vous à Shadows. Abonnez-vous à le point Shadows, c'est parti. Et donc oui, du coup, bon bah dans des scènes de Junior, qui était un court métrage de Julia Ducournau avec elle, dispo sur Shadows, comme l'a dit Roman, elle a en fait dit qu'elle avait énormément de mal à sortir du personnage et que vraiment il y a des fois où elle restait toute une soirée en train de pleurer, en train de se remettre de ce qu'elle avait filmé et qu'elle avait vraiment dû apprendre à sortir de son personnage pour Grave. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant en termes de travail d'acteur. Voilà, Ulysse, je te laisse la parole. Alors, je trouve que Grave, comme tu dis, c'est un film énorme, avec des acteurs incroyables, une musique géniale, une mise en scène totalement folle, dans le son, voilà. Mais là, je l'ai vu une fois, et le problème c'est que je suis pas rentré dedans et que le film il me passait un peu au-dessus de la tête, malgré toutes les qualités que je lui reconnais. Donc c'est un des films que je dois me revoir avec Perfect Blue de Satoshi Kon, et c'est ce film, donc je suis passé un peu au-dessus. Sinon, un truc qui me plaît beaucoup dans Grave, dont t'as pas parlé, c'est le fait de bestialiser des êtres humains en fait. Des scènes où t'as les deux sœurs qui se battent, qui me font vraiment penser à des combats de chiens en fait, vraiment on les tient à la laisse, etc. Et même la scène au début avec le bizutage, là où tu vois, ils sont en train de ramper pour accéder à la fête, là. Exactement, ouais, c'est c'est vrai. aussi une référence à Salo de Pasolini. Aussi, aussi. Regarde Pasolini, Hugo, regarde Salo. Ouais, le jour où j'aurai envie de subir un nouveau traumatisme, je regarderai notre. Oh, y a pas de souci, mec. Aimer se faire souffrir, c'est tout à fait normal aujourd'hui. Alors, les gars, est-ce que quelqu'un a vu Calvaire ici? Non, pas moi. Alors, figure-toi que j'ai très fortement hésité là dans la semaine en préparation. Tu sais, peut-être je me dis, ouais, ce serait cool de parler de Calvaire, il était primé à Gérardmer. Mais non, du coup, je l'ai pas vu et je compte le voir prochainement. Alors, Moi, parce que du coup. c'est un niveau de flemme encore supérieur parce que j'avais pris le DVD à la médiathèque, mais je l'ai même pas vu. Du coup, les gars, avec Calvaire, je pense qu'on peut créer. Avec Calvaire et Grave, du coup, on peut créer un Laurent Lucas Cinematic Universe. Parce que. Bon, il a un petit rôle, du coup, dans Grave, vu qu'il joue le père de Justine et de sa sœur, dont j'ai oublié le nom. Tu t'en souviens, Moi je l'appelle la nana qui fiste un poney, donc C'est une le, vache. Ah non, c'est un le, cheval, nom, c'est un cheval. le nom de sa sœur, tu parles? Ouais. C'est Alexia. Après l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Je continuerai pas. Parce que, disons qu'ils se retrouvent dans des situations pour le moins traumatisantes dans Calvaire. Et on pourrait développer en disant que c'est du coup la continuité, que Grave, c'est une sorte de suite de son personnage traumatisé de Calvaire. Alors déjà, Grave, il faut savoir, ce film-là, j'avais tenté de le voir en salle quand il est sorti, et on m'avait demandé ma carte d'identité. À l'époque, j'avais 15 ans. J'allais avoir 16 ans 2 mois plus tard. Mais du coup, on m'a refusé l'entrée. Du coup, je suis allé avec mon père. Et du coup, j'ai découvert Grave en salle avec mon père. On s'est tous les deux pris une gifle, même si je pense que la mienne était stratosphérique. Ce qui fait que je me suis précommandé le Blu-ray avant qu'il sorte. Je l'ai reçu Day One. Bref. Comme avec Sainte-Maude. Bah, Sainte-Maude, je ne l'ai même pas vu en salle pour le coup. Il est bien Sainte-Maude. Il est cool, Sainte-Maude, ça va. Ok. Et Grave, j'ai dû le voir au moins 5 ou 6 fois. C'est-à-dire que du coup, je l'ai précommandé, je l'ai reçu en Blu-ray, je l'ai vu passer 2 ou 3 fois en Blu-ray. Après, quand il est sorti sur Netflix, je l'ai montré à ma copine. Et bref, Grave, c'est un film vraiment que j'aime énormément. Donc, j'ai dû le voir beaucoup de fois. À chaque fois, c'est le même plaisir de visionnage. Et c'est vraiment un film que je trouve beau, en fait. C'est très poétique et grave comme film. Et à chaque fois, je me fais embarquer dans le truc et je trouve ça tellement prenant, tellement, tellement Moi beau. aussi, je me fais souvent embarquer, mais généralement, je finis en garde à vue. Non, généralement, c'est par des mecs chelous dans une camionnette. Ils me crachent dans la bouche après. Et pas avec leur bouche. Oh! Immonde. Et ouais, par contre, le film est clairement pas à mettre devant tous les yeux, parce que le film est assez trash. Il est interdit en France aux moins de 16 ans. aux États-Unis, il est rated R, alors que à la base, il devait être NC-17. Donc là où rated R, c'est au cinéma interdit aux moins de 17 ans de l'accompagner, NC-17, c'est interdit aux moins de 17 ans, tout court. J'ai une anecdote là-dessus d'ailleurs, par rapport au truc américain. Vas-y. En gros, il faut savoir qu'il a été projeté au TIFF, donc au Festival de Toronto. Et il y a énormément de journalistes qui sont sortis de la salle en faisant des malaises. Et donc, du coup, quand le film a été, est sorti en salle aux États-Unis, ils mettaient des sacs à vomi à disposition. Voilà. Quand l'exorciste est sorti, il y avait ça aussi. Quand Ah, mais l'exorciste est putain. sorti, il y avait des gens qui faisaient des malaises, t'avais des ambulances à la sortie des cinémas et il y avait des sacs à vomi dans la salle. Il y avait aussi ça pour les réversibles, mais sans les sacs à vomi. Mais il y avait les pompiers à Cannes qui, toute la nuit, étaient obligés de rester des personnes qui faisaient des C'est malaises. scandaleux. D'ailleurs, t'es au courant, mec, j'ai appris ça très récemment de par Corentin, mais le mec qui filme dans cette vidéo, c'est Gaspard Noé. Sans déconner. C'est Gaspard Noé qui filme les gens à la sortie de la Non, salle. non, c'est pas sa voix, c'est pas sa Et voix. le mec qui. Non, mais. Il parle. Mais le mec qui dit c'est scandaleux et tout, il savait pas que c'était Gaspard Noé, du coup, il dit je vais te casser la gueule à Gaspard Noé. Mais c'est pas. Mais non, non, non, mais d'un moment il dit un petit mot sur les réversibles, c'est pas sa voix. Si, si, si, c'est Gaspard Noé, je te le jure. C'est Corentin qui me l'a dit. Mais Il lui, m'a c'est dit, quoi? ouais, c'est Gaspard Noé qui fumait les gens à la sortie de la salle, etc. Vraiment. Et tu. Oh, le plus drôle, c'est putain, t'es une merde, Noé. Oui, et le mec savait pas qu'il parlait à Noé, en fait. Mais attends, je t'assure que c'est pas sa voix. Re Y a un revois la moment. vidéo, revois la vidéo. Mais oui, mais y a un moment il dit un petit mot sur les réversibles, c'est pas sa voix. Peut-être qu'il change, peut-être qu'il prend une autre voix, ou peut-être qu'il c'est juste trop bref pour que tu le reconnaisses, mais je te jure, c'était Gaspard Noé. Ou alors il avait pas mué, mais. Il avait pas mué sur un ado. Tu vois, mais. Je sais pas. S'il y a un mec qui n'a pas mué réalise irréversible, Oh. c'est vraiment qu'il y a un problème. Ah bah oui, très clairement. Alors, les gars, on parlait des malaises et tout dans les salles de cinéma. Apparemment, quand le film était projeté en Suède, il y a au moins 30 personnes qui ont quitté la salle, deux qui se sont évanouies et d'autres qui sont allés dans les toilettes du cinéma pour vomir. Bref, grave. Ouais, alors, un truc qui est fou sur Grave, c'est que Ducournau dit que c'est pas un film d'horreur. Elle est conne. Oui, et Garance Marie aussi d'ailleurs. Alors, c'est bizarre parce que du coup, Ducournau le définit comme un mélange de comédie, de drame, de teen movie et de body horror. Elle est conne. body horror, c'est Non, mais elle quoi est pour toi gentille, si c'est pas de Julien, mais bien l'horreur? sûr. Mmh. C'est pas un film d'horreur, c'est un slasher, tu vois. Mais c'est pas un film d'horreur, c'est un survival. Ça n'a rien à voir. C'est pas un film d'horreur, c'est un thriller. C'est comme, C'est pas j'avais un. vu un truc dans des commentaires d'une vidéo YouTube. C'était Mais le cinquième élément, c'est pas de la SF, c'est un space opéra. Oh putain. Interstellar, c'est de la SF. Ah mais je suis désolé, moi je suis pas d'accord, Harry Potter c'est pas de la fantasy, c'est de la school magical teen. Ah moi je suis catégorique, hein, moi j'ai lu la page Wikipédia, il n'y a jamais écrit film de fantasy, Sinon, hein. revenons Wikipédia à de toute façon il se Grave. trompe tout le temps. Revenons à Grave, s'il vous plaît. Parce que là, Revenons à gros Grave, dérivé. alors qu'on va parler de Grave de Juliette du Courbin. Vas-y, C'est j'ai pas envie de de créer un l'horreur. personnage qui va s'appeler Timmy et qui est con. C'est pas de Alors, l'horreur. Timmy, qu'est-ce que t'as pensé de Grave? Alors moi j'ai pas aimé Grave parce que tu vois en fait bah, c'est un film, il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas de super. Moi tu vois, moi j'ai vu Grave sur Netflix après avoir vu Stranger Things et bah, c'était pas terrible en fait parce que bah je comprenais pas, genre il y avait une scène où et bah, en fait elle est en train d'être ancien et tout et elle fait pipi de boum mais je comprends pas qu'est-ce que ça fout dans un film en fait, genre qu'est-ce que ça fait que j'ai envie de voir ça, genre elle fait pipi de boum, genre ouais c'est le cinéma, moi je vais pas au cinéma pour les gens qui font pipi de boum, en plus elle se fait pipi dessus, moi je dis que c'est à l'image du film, hein. En plus c'est Attention, une moi je vais scène pas au qui cinéma, je vais pas au cinéma, on Christian. met sur garde sur mon téléphone. Et tu vois, genre, moi, il y a une scène, genre, la meuf, Attention, elle sent. l'avenir du cinéma, c'est Netflix, tout le monde le Mais sait moi, ça. c'est. Non, mais laisse-moi parler. T'es Disney Plus, qu'est-ce que tu racontes sur Disney Plus, il y a Avengers. Non, mais t'as laissé. En fait, le truc qui me dégoûte dans ce film, c'est que, genre, il y a un moment où elle est devant son miroir, et elle sent en faisant des bisous à son miroir, mais genre, ouais, meuf, t'es taré, quoi. Genre. En plus, t'as vu la musique qu'elle écoute, quoi? Ça s'appelle Plus pute que toutes les putes. La Non, mais musique c'est pas de normal. merde, en plus, moi, je suis désolé, mais moi, j'écoute que des musiques de Naruto. Franchement, c'est de la merde. Avec plus pute que toutes les putes, là, c'est de la grosse pute, quoi. Bref, revenons à Grave. Je crois qu'on a tout dit. On n'a jamais tout dit sur Grave. Mais après, faut pas trop. Voilà, il y a d'autres films. Il y a d'autres films, Roman. Moi aussi, j'aimerais faire un épisode entier sur Grave, mais il y a d'autres films. On va parler de Dream. On va parler de 30 jours max, c'est fou. Ah, moi j'aime beaucoup 30 jours max. La bande à Fifi, c'est les meilleurs. Ça, c'est du vrai cinéma. Ah non, bah, mon acteur préféré, c'est Robert Downey Jr. Mais n'importe quoi, c'est Kev Adams. Ah non, mais moi, Kev Adams, je l'aime pas, il fait des spectacles trop de merde dans Les Profs. Non, mais allô, quoi, c'est quoi cette merde? Genre, moi, je préfère largement les films genre Aladdin, ça c'est marrant parce que t'as des blagues de sexe et les femmes, et bah, elles sont à leur place. En plus, il dit qu'il a un petit zizi. Et ça sent le caca dans sa bouche. Ah oui. Et le vizir, après, quand il dit ça, il fait ah, et il sent sa bouche, et après, il fait ah oui, c'est vrai, je sens le caca. Le podcast se gagne, messieurs, mesdames. Bref, voilà, après cette improvisation de qualité, De qualité. on va conclure en vous disant de vous jeter sur Grave. En plus, c'est très accessible, c'est disponible sur Netflix. Voilà. Par contre, si vous êtes supporter du format physique, évitez de vous jeter sur le DVD, ça risque de l'endommager. Oui. Du coup, voilà, jetez-vous sur Grave. Pour conclure, voilà, comme d'habitude, on vous dit ce qu'il a gagné à Gérard May, il a gagné le grand prix du jury et le prix de la critique. On va maintenant passer au deuxième film dont Ulysse voulait parler, à savoir Dream Home. Alors, juste Dream Home, c'est un film hongkongais dans la grande veine des films de catégorie 3. Donc pour ceux qui connaissent pas les catégories 3, en fait, c'est une période du cinéma hongkongais où ils produisaient des films absolument hardcore. Et donc, c'était la catégorie 3, t'avais la catégorie 1, la catégorie 2 et la catégorie 3, donc les films les plus vénères. Et donc, c'était dans les années 80-90, et ça s'est arrêté depuis, à cause notamment de la Chine. Ça l'a pris. Et donc c'est un film qui rend un Est-ce peu qu'on remet les vieux hommage. communistes ou pas? Ouais, mais là S'il vous plaît, non. j'ai la. S'il vous plaît, non. S'il vous plaît, non. Donc c'est un film qui rend hommage aux catégories 3, donc en faisant un film absolument dégueulasse, un film absolument trash. C'est ce qu'on pourrait qualifier de slasher un peu. Et moi j'aime beaucoup ce film, même Ah, mais si c'est complètement un slasher, Dream Home. c'est un slasher, oui. Alors en gros, juste vraiment, on avait parlé de Grave. Qui est un film absolument au gore et dégueulasse. Dream Home, c'est quelques niveaux dessus. Ouais. Vraiment. Oh ouais. Vraiment, c'est. Dream Home, c'est frontal, c'est brutal et c'est surtout super réaliste. J'ai une scène de Dream Home qui m'a traumatisé, qui m'a empêché de dormir pendant quelques nuits. Je vais pas développer, mais je vais juste dire femme enceinte. Alors, Roman, tu vois de quoi je parle? Ouais. Bonne nuit. C'est un film avec des effets prosthétiques absolument. Dingue. Avec c'est vraiment du gros slasher. En gros, c'est l'histoire d'une nana qui, pour se payer un appartement dans un monde où l'immobilier coûte beaucoup trop cher et où ils sont tous baisés, Bah décide surtout de c'est au faire. moment de la crise des subprimes. Ouais. Décide en fait de faire un meurtre dans l'immeuble près de l'appartement qu'elle a envie d'acheter afin que le prix baisse. Ça paraît un peu débile, mais vous comprendrez. C'est un film que j'aime beaucoup pour sa partie slasher, mais que je méprise pour sa partie drame. Parce que c'est un film qui a un mélange en fait de grosses tueries dégueulasses et de drame pour expliquer les motivations de l'héroïne. Le Parce que tu problème. comprends, il faut payer les médicaments du papa malade et que Bon, ouais. aussi la vie de maîtresse, c'est pas facile. Maîtresse dans le sens amante, pas dans le sens instite. Voilà, non. Il Voilà. y en a une qui t'apprend les maths, l'autre elle t'apprend à cacher des textos. Donc, Il y en a une avec elle, tu bosses les maths et l'autre, tu mates les boss. Voilà. Jolie, très très jolie celle-là. le problème c'est que la partie qui se passe en mode drame où elle explique les raisons, etc., c'est des parties chiantes, longues et surtout qui n'ont pas vraiment d'intérêt dans le film parce qu'on ne peut pas s'attacher au personnage principal du moment où femme enceinte. Vraiment, non, cette scène en tant que grand cauchemar. La musique est plutôt pas mal, mais ce que je retiens dans le film, c'est vraiment les scènes de meurtre qui sont à la fois ultra. Qui sont à la fois ultra réalistes, pas jouissives, clairement. À part si t'es un psychopathe, tu peux pas dire putain, cette scène est vachement sympathique. Je déteste les femmes enceintes. Je déteste les femmes enceintes, je déteste les meufs qui se prostituent et je déteste les drogués. Oh oui, la scène avec les stoners. Oh, la scène avec les stoners, elle est géniale, la scène avec les stoners. La dernière réplique du mec me tue alors que tout le film me tétanise. Donc, voyez Dream Home si vous aimez si vous avez envie de repousser un peu vos limites en termes de trash. Et que vous aimez le catégorie 3. D'ailleurs, petit conseil catégorie 3, regardez Run to Kill et Ricky Ho, dont j'ai parlé dans l'ancien podcast, dans l'épisode précédent. Roman, 2-3 mots à dire sur Dream Home? Pas vraiment, c'est vraiment trash. C'est vraiment trash, Dream Home. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que t'as dit. C'est. Les parties de drame me font chier un peu. Même si, ouais, c'est un film politique un peu. Mais. Après, oui. ça rend pas la politique intéressante. Tout ce que tu vois devant ce film, c'est une connasse qui tronche des nains enceintes. Pas que des nains enceintes, il y a quand même pas mal de meurtres dans le film, mais c'est surtout celui-là que je retiens, quoi. Oui. Oui, non, mais c'est vrai que les scènes de meurtre sont très graphiques, et celle-là en particulier. Le film s'ouvre déjà sur une scène de meurtre ultra, ultra, ultra intéressante, à base de trucs, c'est qui, de serre-coups. J'ai plus la scène d'intro en tête, là. Bah tu sais, elle va dans la maison du concierge, elle lui fout un truc pour étrangler, et le mec est obligé de se couper des trous dans la gorge pour respirer, et il finit par crever. C'est So Next Gen. Après la coup, Playa Game. C'est vraiment un truc de saut, ça. Ah ouais, clairement. Avec le mec qui a la tête dans le... Oui, je mets la paille. Oui, c'est ça, enfin, le mec qui a du coup une tête dans un cube rempli d'eau, et qui du coup Avec le stylo. Respire artificiellement avec un stylo dans la gorge, ouais. Au lieu de juste faire un trou dans le bocal, la cuve avec son putain de stylo. C'est trop con. Ça c'est ça, mesdames et messieurs. Oui. D'ailleurs, le personnage qui pense à se couper des membres au lieu de couper le mécanisme qui sert à les tuer, c'est ça. Mais j'adore cette saga. Alors j'aime beaucoup le 1, le 2 je l'aime beaucoup, mais à partir du 3 je vomis. Bon, on passe sur Mutafukaz. Mon nom c'est Angelino. Et toute cette merde autour, c'est Dark Mid City. La ville où je suis né est probablement la ville où je vais mourir. Dark Mid City. DMC. Comme dégueu, merdique et crado. J'aurais pu continuer sans fin à traîner ma carcasse sans trop me poser de questions. Jusqu'à ce moment précis. Motherfuckers. Ou motherfuckers, comme il est censé être prononcé, du coup, et à la base une BD française écrite par Guillaume Renard, a.k.a. Run, du coup, qui est aussi le réalisateur du film, mais il n'est pas seul, vu que le film est co-réalisé par Shojiro Nishimi, donc c'est une coproduction franco-japonaise, du coup, niveau Japon, on a Studio 4 degrés Celsius et niveau français, on a Ankama. Qui, alors, soit je dis une grosse connerie, soit j'ai bon, mais c'est les mecs derrière Wakfu, Ankama. Et Dofus. Ouais, c'est ça. Ankama, c'est Dofus et Wakfu. C'est les mecs derrière Dofus et Wakfu. Et donc, ça a été ensuite adapté en film d'animation. C'est une animation qui a mis plus de 6 ou 7 ans à se faire. Parce que du coup, j'avais été voir le film au PIF, donc au Paris International Fantastic Film Festival, en 2017, la même année où j'avais été voir Tragedy Girls. Et du coup, donc, il y avait Run qui était là, il y avait donc le mec qui a composé la BO, à savoir Toxic Avenger, qui a collaboré avec Aurel San, qui double le personnage principal avec Gringe. Donc les deux personnages principaux sont doublés par Aurel San et Gringe. Aurel San était là à la projection, du coup. Donc vraiment très bonne ambiance à cette projo. Il y avait aussi Michael J et l'ermite moderne qui étaient là. Même si je suis pas un énorme fan de Michael J pour aller dans l'euphémisme. Mais oui, en tout cas, Mutafukas, c'est vraiment très cool. Ça raconte l'histoire donc de Angelino et Vince qui vivent à Dark Meat City et qui un jour vont être pris en chasse. Donc ils ont une vie de merde, hein, très clairement. Ils vivent dans les ghettos d'une ville qui est déjà un ghetto elle-même. Donc bon, voilà, c'est pas la joie. Et un jour, ils vont commencer à se faire pourchasser par le gouvernement ça se passe aux États-Unis, parce que Angelino a en fait n'est pas un humain. Il est tout petit, il est entièrement noir, genre c'est une boule noire sa tête. Et Vince, c'est un crâne en feu. Ils vont être pourchassés par le gouvernement et donc ils vont devoir se cacher et trouver pourquoi ils sont pourchassés. C'est génial, putain, l'animation est magnifique. Du coup, ils ont bien fait. Enfin, Ron a bien fait d'aller chercher des Japonais pour l'aider à animer. Notamment la scène de course-poursuite entre les mecs du gouvernement et Vince et Angelino dans un camion de glace. C'est absolument génial. Aussi, tous les persos secondaires sont fous. L'espèce de chat dont j'ai oublié le nom, qui est doublé par Edouard Arjan. Willy, voilà. Ah oui, parce qu'il y a une scène à un moment où ils disent il faut sauver Willy. Voilà, merci Jean-Michel Humour. Tous les personnages sont super attachants. Tu sens que ça pourrait être le début de quelque chose de grand et que ça aurait pu l'être si le film avait mieux marché. Malheureusement, en France, le cinéma de genre français, ça marche pas. Ah bon? Oui, Vraiment? le sachiez-tu? Oh, tu mens, c'est pas possible. Ça me surprend vraiment. Ça me scie les jambes ce que tu me dis. Eh, ça me troue le cul, mais d'une force. Et donc, oui, en France, le cinéma de genre, ben, ça marche pas. Donc, le film a quand même une sortie salle, pour le coup. J'avais été le revoir en salle, et après, je me suis évidemment pris le Blu-ray que j'ai revu plusieurs fois. Et donc, oui, le film peut marcher en tant que film seul, mais le film peut aussi être l'ouverture de quelque chose de beaucoup plus gros, parce que la fin est un cliffhanger. Un peu à la manière d'un Iron Sky 2. Je ne spoilerai pas, mais. Putain, le cliffhanger d'Iron Sky 2. Voyez les Iron Sky, c'est génial. Dans le 2, il y a Hitler qui ride un T-Rex. D'accord. J'ai oublié un mot. Hitler reptilien qui ride un T-Rex. Ok. Mais du coup, Roman, est-ce un film inachevé? Non, c'est pas un film inachevé, non, c'est un film qui peut très bien marcher en. Oui, non, mais d'accord, ok, oui, inachevé. Ok. J'étais obligé. Ah bah, je ne l'ai pas vu, c'est un film qui est dans ma watchlist, mais voilà, ça me donne encore plus envie de le voir. Et oui, On du va. coup, évidemment, Orelsan et Gringe, dans les rôles principaux, ça tue, mais ça tue de fou. Il y a notamment les scènes chez eux qui font vachement penser à un épisode de Bloqué. Ce que j'allais dire. Et oui. Surtout que ces deux losers. Ils vivent au milieu des cafards, on en reparle. Oh, j'en parlerai un peu sur REC, tu verras pourquoi. Ok. Et oui, le méchant qui est doublé par Fyodor Atkin, qui est grandiose comme à chaque fois. Même les persos secondaires, genre à un moment, ils vont se cacher vraiment dans un ghetto, genre là où ils savent que la police viendra jamais les chercher. Sauf que les corbeaux sont en fait des caméras. Et du coup, tu as une sorte de FBI qui réplique et qui doivent du coup faire face au mec dans ce ghetto. Et tu as un mec ultra balèze qui bute des gens en récitant du Shakespeare. C'est rien que ça, mais. Et qui cite la Bible un peu plus tard aussi. Motherfuckers! Motherfuckers! C'est vraiment ouf. J'ai pas encore lu la BD. Ça ne saurait tarder. Il y a aussi eu un spin-off de la BD qui s'appelle Puta Madre. un spin-off sur les catcheurs mexicains du film, qui sont en réalité les gardiens d'une ancienne prophétie. Voilà, l'univers est ultra riche et il faut foncer voir ce film, c'est une tuerie totale. Alors, notez que ce film a été présenté à Gérard Armé la même année que Ghostland et qu'il est reparti avec le prix du jury jeune et le prix de la meilleure musique originale. Oui, mais de toute façon, 18. 2018, alors pour le coup, moi je l'avais vu avant Gérard Armé parce que le pif c'est en décembre et Gérard Armé c'est en janvier. Donc j'avais pu le voir avant Gérard Armé, c'était cool. Mais du coup, il me semble que l'année 2018 pour Gérard Armé était assez fournie Ouais, t'es pas mal, ouais. en cinéma français. Et bah, on va maintenant quitter le cinéma français pour passer chez nos voisins espagnols, puisque j'avais très très très très très très envie de vous parler de L'Orphelinat de Juan Antonio Bayona. Usted oye, pero no escucha. No se trata de ver para creer, sino de creer para ver. Crea, entonces verá. ¿Me podéis pedir que abandone? Déjame quedarme 2 días. Sola. Donc L'Orphelinat, c'est le premier long métrage de Juan Antonio Bayona. C'est un film pour vous situer un peu dans quel univers il se situe, qui a été produit par Guillermo del Toro, en partie, qui était producteur exécutif Bah d'ailleurs. d'ailleurs, beaucoup de gens pensent que c'est Del Toro qui l'a réalisé parce qu'il y a Del Toro en gros sur l'affiche. Mais pas du tout. C'est Juan Antonio Bayona. C'est comme L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est pas Tim Burton. C'est Henri Selick. C'est Henry Selick. Voilà. Ah, t'es Coraline. Traumatisme. Quelques anecdotes. D'abord, le film a été présenté à Cannes, où il a reçu une standing ovation de 10 minutes. Voilà. Rien que ça. T'imagines ton premier film arrive à Cannes, standing ovation 10 minutes. Ça motive. Motive, c'est sûr. L'Espagne a eu des couilles, puisque c'est le film qu'ils ont choisi pour représenter aux Oscars. Mais bon, du cinéma de genre aux Oscars, vous pouvez vous brosser. Ah, récemment, il y a Get Out. Oui, bah oui, à part Get Out récemment, bon. La forme de l'eau. Oui. Et en plus, tu vois, ça rentre dans cette mythologie de Del Toro, tu vois, donc ils auraient pu. Ça me désespère. Bref. L'orphelinat, c'est donc l'histoire de Laura qui a grandi bah, dans un orphelinat, waouh! Et en gros, bah, elle se fait adopter. Donc elle quitte l'orphelinat et quand elle est bah, adulte, elle revient avec son mec et en gros elle veut transformer l'orphelinat en un espèce de centre d'accueil pour enfants handicapés. Et le truc c'est que elle a elle-même adopté un enfant qui est porteur du VIH. Donc déjà en termes d'information, c'est très dense le début. Et donc en fait, cet enfant est assez solitaire, il a plein d'amis imaginaires. Et il y a un moment où il va totalement disparaître, c'est là que le film va basculer. Et pour le coup, j'ai une histoire un peu particulière parce que c'est un film que j'avais vu, premièrement, quand j'étais pas du tout cinéphile. C'était mon pote, on en revient, mon pote Sofiane. Voilà, Sofiane, encore une fois, si tu écoutes ça, merci d'exister, deux fois deux, qui me l'avait montré. Et donc, sincèrement, c'est un film qui m'avait laissé un très bon souvenir, mais voilà, genre je me disais, ouais, L'Orphelinat, c'est cool et tout. Et je me suis dit, j'avais pas la lucidité pour l'analyser vraiment, parce que j'étais pas tellement cinéphile, je m'y connaissais pas tellement en cinéma, loin de moi l'idée de dire qu'aujourd'hui je suis un grand connaisseur, non, mais j'ai quand même plus de connaissances. Du coup, je l'ai revu, bah, littéralement, il y a 24 heures. Et j'ai envoyé un message dans le groupe du podcast où il faut savoir que c'est une particularité d'Ulysse et moi, c'est que comme on a vécu des événements pas très rigolos, on pleure sans larmes. Voilà, c'est horrible comme sensation, je vous souhaite jamais ça. Donc du coup, j'ai envoyé un message dans le groupe en disant, les gars, j'arrive pas à m'arrêter de pleurer, pour me pleurer sans larmes du coup, mais voilà. Et du coup, j'étais mais effondré hier soir. Et du coup, je me suis dit, putain, il faut que je me change les idées. J'ai lancé un FIFA, et même en lançant mon FIFA, j'étais en train de chialer. J'arrivais pas à m'en remettre, tellement le film m'a bouleversé. Je me suis vraiment rendu compte en le revoyant que c'était un de mes films préférés. Et en fait, j'aime trop ce truc de le film qui va pas s'enfermer dans un genre. C'est-à-dire que dans les genres du film, vous allez sur IMDb, il marque drame, fantasy, horreur, c'est vraiment drame, fantasy, horreur. Il y a vraiment les trois trucs. Il n'y a pas que. Il ne s'enferme pas dans un genre, en fait. Et ça, c'est voilà une capacité que j'adore chez les films. C'est aussi un film à twist. Et le twist est d'une ironie tellement cruelle. C'est tellement cruel, Oh putain, ça, c'est vraiment tout ce qui se passe après le twist vraiment m'a fait mais chialer à mort. C'est vraiment là où ça m'a achevé. Même si je connaissais déjà le twist, hein, je me suis dit que ce serait moins efficace du coup, mais en fait non. Vraiment, voilà. C'est vraiment le combat d'une mère qui essaye de retrouver son enfant et qui est convaincue que son enfant est encore vivant quelque part et qui ne veut pas cesser de croire que son enfant est vivant. Et ça me permet de le rapprocher avec un autre film dont on avait déjà parlé, qui est Bunny Lake a disparu, où en gros le générique de l'orphelinat est inspiré de celui de Bunny Lake, c'est en gros des mains d'enfants de l'orphelinat qui déchirent du papier peint. Il y avait un peu la même mécanique dans Bunny Lake. Et donc bah, le film ne s'est pas que inspiré du générique de Bunny Lake, mais aussi de l'histoire. Sauf que c'est particulier parce que dans Bunny Lake, en fait, la mise en scène s'oppose à ce que dit le personnage de la mère. Ce qui n'est pas du tout le cas dans l'orphelinat, puisque la mise en scène, plus le discours de la mère, s'oppose au discours des gens pragmatiques tels que les policiers, tels que son compagnon. Et donc du coup, eux bah, sont vraiment dans une étape de deuil où ils sont en mode « Simon est mort, il ne reviendra pas ». Et elle est vraiment Cet a priori est mort. Je suis ému en en parlant. Pas autant que quand je parle de petite fille, mais je suis quand même ému. Bref. Mais oui, du coup, elle est. Précise que Petite fille, c'est un documentaire. Oui, c'est un documentaire. Oui, Pourquoi? parce que t'es ému quand tu parles des petites filles, ça te regarde, mais Non, on est non, dans un non, podcast de cinéma. non, mais non, mais non, mais j'en ai parlé en plus dans le top. C'est mon top 1 de 2020. Je sais, je sais. Bref. Oui, du coup, voilà, c'est vraiment le combat de cette mère qui veut retrouver, qui veut retrouver son gosse, qui m'a vraiment bouleversé. Les scènes horrifiques marchent extrêmement bien. Je pense peut-être que tu en parleras mieux que moi, mais en tout cas, rien que le personnage de Thomas m'a terrifié. Puis, je vais peut-être te laisser en parler, mais la scène de médium est folle, vraiment folle. Pour le coup, je vais pas parler de grand-chose parce que l'orphelinat, je l'ai vu il y a plus de 6 ans. Ah Je oui. l'ai vu, ouais, non, je l'ai vu il y a 5-6 ans, ouais, l'orphelinat, et vraiment, j'en ai pas de souvenir. Je suis désolé. Ok, bah c'est pas grave, Je pourrais pas t'aider sur ce coup-là, mais. je vais faire mon monologue. Bref, il y a une scène de médium où en gros elle se balade dans la maison et où elle arrive à voir les enfants. Et en fait, c'est un film de fantômes où on sait pas vraiment si les fantômes existent. Et la photographie joue vachement sur ça, c'est-à-dire que quand tu auras les scènes avec les fantômes des petits-enfants, ça va être un truc qui va être vachement plus vivant, vachement plus éclairé, vachement plus généreux, alors que on va retrouver quand il n'y a pas ces fantômes une photographie vraiment très terne qu'on retrouve dans les films de genre espagnol où il y a vraiment ce truc un peu bleu qui personnellement ne me plaît pas, j'aime pas trop ce genre de truc de photographie un peu terne, etc. Mais voilà, je trouve que c'est un film qui arrive à vraiment rester inventif dans sa mise en scène. J'ai parlé de la scène du médium. Ceux qui ont vu le film me comprendront, mais la scène avec la fausse assistante sociale et le camion, vraiment, je m'y attendais pas. Même là, en revoyant le film, j'étais un putain merde, c'est vrai qu'il y a ça. Ça a quand même réussi à me surprendre. Et je trouve qu'il y a une partie body horror vachement, vachement intéressante, notamment le moment où elle se mange une porte sur son doigt, notamment avec cette scène du camion, notamment avec le visage de Thomas. Voilà, donc c'est un film qui va utiliser plein de procédés, qui est super intelligent et qui aujourd'hui compte parmi mes films préférés. Et regardez L'Orphelinat, c'est absolument fabuleux, c'est génial. Je suis peut-être pas objectif, mais j'ai rien à redire dessus en fait. Voilà, si ce n'est que bah, je suis pas beaucoup trop fan de la photographie, mais c'est tout. Et bon, oui, c'est très inspiré des contes. Voilà, c'est un vrai conte et c'est surtout inspiré de Peter Pan. Donc voilà, et d'ailleurs, ce qui me permet de faire mon petit point sur le cinéma de genre espagnol au Goya par rapport au cinéma de genre français au César. L'Orphelinat, premièrement, a eu 14 nominations, et non pas 6. Bon, je suis pas sûr que tu puisses avoir 14 nominations au César, parce qu'il y a plus de catégories au Goya. Mais la différence avec, avec Graf, c'est que l'Orphelinat, sur ces 14 nominations, on a eu 7. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment eu la moitié de leurs nominations, ils les ont eues. Ce qui n'est pas le cas, on prend Graf, on peut prendre Holy Motors, voilà. C'est des films comme ça qui sont nommés, qui n'ont pas de récompense, s'il vous plaît, récompenser le cinéma de genre. Il faut vraiment passer cette étape, c'est pas parce que c'est pas du, c'est, que c'est du cinéma de genre que ça doit pas être récompensé. Voilà. Et ah oui, et puis bon, bah, je suis fini. Ah, mais ils ont le droit de récompenser autre chose que des drames au César? Je pense qu'ils se font décapiter sur place s'ils le font. Ah, je suis pas sûr. C'est pour ça. Et j'aimerais finir en. Voilà, la dernière scène du film. Pas la scène, bon, la scène qui précède le. Qui, non, pas qui précède, qui est après le twist. Le twist dont je ne peux pas parler, mais qui vraiment c'est cruel et beau à la fois. Enfin, en gros, le twist en lui-même est cruel, mais ce qui se passe dans la scène, c'est magnifique. C'est très, très onirique. Mais bref, en gros, la dernière scène du film, c'est une référence tellement ouverte, tellement explicite à Hook. Si vous avez jamais vu Hook, c'est vraiment cool. C'est un chef-d'œuvre, Hook. Ah, c'est génial. Et voilà, ça m'a bouleversé. Regardez l'Orphelinat, c'est vraiment un bout de ma cinéphilie, un bout de mon âme que je vous transmets là. Et j'espère que vous en prendrez très soin et que vous allez aimer. Et attention, nouveau point Shadows, c'est dispo sur Shadows. Voilà, on boit. Bon, j'ai que de l'eau, mais on boit. Donc, Ulysse, tu vas nous parler de ton dernier film, qui est Darkwater d'Hideo Nakata. Je pensais que j'allais parler de Emmanuel, longue caresse du cinéma français. Vous connaissez pas Emmanuel? Il y a un Blu-ray qui est sorti dernièrement, c'est un film érotique français. Si, non mais... Ah oui, je vois. Oui. De réputation. C'est... D'ailleurs, Gaspard Noël n'est pas présenté dans son vidéoclub. Ah si, vite fait. J'ai envie de vous parler du coup de Darkwater, de Inigo de Montoya. Enfin non, je veux dire, Inigo Nakata de Bonsarim, c'est la même chose. Il est fallu le placer. Bah oui, il fallait le placer. Donc Darkwater, c'est un film d'horreur japonais qui raconte l'histoire... d'une mère et de sa fille qui déménagent dans un vieux appartement tout claqué dans, la, dans une ville, tu vois. Et c'est donc juste une mère et sa fille, le père, ils sont séparés, et ils font un peu une guerre pour la garde de l'enfant. Le problème, c'est que l'appartement, il commence à se passer des trucs un petit peu bizarres à base de moisissure et à base d'eau. Et donc, bah, c'est un film d'horreur japonais, donc... Des fantômes à gogo, et surtout ce que j'aime beaucoup en fait, dans Darkwater, c'est le fait que ce soit plus un drame qu'un film d'horreur. Je veux dire, il y a des scènes d'horreur qui sont ultra efficaces, qui font bien flipper. Enfin, le cinéma d'horreur japonais, généralement, ça réussit ses effets d'horreur parce que ça joue beaucoup sur la tension, sur la durée, sur faire durer la scène pour qu'elle devienne bien, bien badante. Ben, on est dans ça en fait. Dans Darkwater, on est carrément là-dedans. Et les personnages sont des personnages tragiques, on a vraiment des scènes qui sont tristes, qui sont déchirantes. Et donc voilà, c'est surtout un drame en fait. C'est que j'aime beaucoup dans Darkwater. Il prend son sujet, mais de manière très très sérieuse. Et voilà, ça fait partie de la catégorie de films d'horreur qui me font lâcher quelques larmes. La photographie est absolument crado. Et quand je dis ça au sens premier du terme, c'est-à-dire l'eau croupie qu'on voit tout le temps, les traces de moisissure, une caméra verdâtre, sale, comme si on était dans des égouts, en fait. Et le film filme très très souvent les liquides, que ce soit la pluie, que ce soit les flaques d'eau, que ce soit tout en fait. On a vraiment un aspect très très sale, très dégueu, très croupi dans le film au final, qui colle très très bien l'atmosphère et au côté ultra crado de l'environnement dans lequel évolue le personnage. Par exemple, l'appartement qui est totalement niqué, quoi, qui est totalement dégueulasse. Voilà, Darkwater, c'est un film avec des actrices géniales. C'est un film touchant, c'est un film qui a des scènes fortes. Et donc, je vous conseille le matériel. Je ne sais pas quel prix il a eu au GRAV, pour être honnête, je me suis pas vraiment renseigné là-dessus. T'as une info, Hugo? Il a eu le grand prix, le prix du jury jeune et le prix de la critique. Ah, ça m'étonne pas qu'il ait eu le grand prix. Hideo Nakata, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le mec qui a réalisé Ringu. Ring, voilà. Hein. On est en France. Ringu. On est en France, monsieur. Oui, mais je me suis fait emmerder par un vieux pote à moi. Bon, j'ai plus de contact avec lui, mais il me faisait chier quand je disais Ring, parce qu'il disait que Ring c'était le remake américain et que Ringu c'était l'original. Le remake américain c'est The Ring en plus. Oui, je sais, mais il me faisait chier avec Ring quand même. Il m'obligeait à dire Ringu, du coup maintenant j'ai Ringu. J'ai une anecdote sur perso, sur Ring. The Ring. Je crois que c'était The Ring en plus. Mais bon. Comme Samara Jones. Non mais si tu veux, d'ailleurs The Ring, petite anecdote, The Ring, donc le remake américain qui était hors compétition la même année que Darkwater, j'ai rien mais voilà, pour l'anecdote. Sinon ce que je voulais dire c'était que quand je devais avoir genre 5 ans, par là, aux alentours, il y avait le remake américain qui passait à la télé. Je sais pas, je trouve que c'était, je sais pas, bref, c'était un truc adapté de Ring, je sais même pas ce que c'était en fait. C'était pas Styria Movie 3 ? Non. Ah non, par contre, je me souviens que c'était pas du tout parodique, humour, tout ça. Mais donc en fait. Tu veux dire qu'il y avait pas Michael Jackson ? Non, il y avait pas Michael Jackson. Putain, cette scène est incroyable. Non mais du coup bref, il y avait ma mère qui faisait je crois du repassage, bref c'est, on sent pas les couilles, bref en gros, elle était dans le salon et elle regardait ça, et donc t'as un moment où elle se casse, et moi à 4-5 ans comme je suis con tu sais, je me dis oh elle est partie, j'ai envie de voir ce qu'elle regarde à la télé parce qu'elle m'a dit que je pouvais pas la regarder, et du coup j'y vais, et du coup je tombe sur tu sais genre pile la scène où la meuf sort de son puits, sort de la télé et bute quelqu'un. Comment... Ah bah c'est la fin ça. Ah, bah bon, bah voilà. C'est la scène finale. Bon, bah ça devait pas être The Ring alors, parce que. Enfin, ça avait l'air d'être le début. Puisque, genre, c'est. En gros, elles sont deux. Attends, je t'explique. Des nanas ? Ouais, c'est des nanas. Elles sont bah alors, elle sort pas du puits. Elle sort pas si, du puits. Si, elle sort du puits, elle sort de la télé. Ah, je m'en souviens très bien, ça m'a marqué. On la voit pas dans le site d'intro, on la voit pas. Non. T'as un plan zoom accéléré sur la télé. Ça devait pas être The Ring en fait. Mais en gros, je t'explique. Si, mode... si elle sort d'une télé, c'est forcément The Ring. Non, mais en mode, c'est deux meufs, et tu vois, il y en a une qui part dans la cuisine, etc. Oui, c'est... je vois très bien la scène de Il y en a une qui part dans la cuisine, et genre, l'autre, elle se fait buter entre temps, et elle a vraiment genre l'aspect dégueulasse du puits, tu sais, sur elle, et genre, elle revient, et elle trouve sa pote morte. Et du coup. Sa race, quand tu vois ça à 4-5 ans, c'est pour ça, c'est, en vrai, c'est pour ça que j'ai pas pu voir de film d'horreur jusqu'à mes 15 ans, tu vois, parce que j'étais tellement trauma du truc, et j'ai toujours pas revu le film. Et faut que j'exorcise mes démons à un moment, tu vois. Ah, d'ailleurs, je viens de lire un truc, c'est marrant, puisque la même année que Darkwater et The Ring, en rétrospective, il y avait Ringu. Voilà. Ah bah franchement, Nakata, il a dû bien se branler sur Gérard Mé cette année. Et le président, c'était Friedkin. Oh, cool. Petit fun fact, les gars. Darkwater, c'est basé sur une nouvelle qui s'appelle L'eau flottante. Oui. Qui se trouve dans un recueil de nouvelles. Ce recueil est écrit par Koji Suzuki, qui est le même auteur que Ring. Ring, oui, base, oui, Ring j'étais au courant. Ça, j'étais au courant. Ça ressemble beaucoup. Ring et Darkwater, il y a quand même pas mal de similitudes. La grosse pléiade des deux personnes qui m'accompagnent. Pas du tout de moi. Mais après, en termes de gamin dégueulasse, il y a aussi The Grudge, enfin, Juhan. Oui. Mais ça, je l'ai pas encore vu. Alors, je suis un gros fan de la saga The Grudge. Parle-nous du remake américain. Alors... de quelques The Grudge américains, pas tous. Parle-nous du dernier. Non. On reste sur du cinéma très mature et très poignant, puisqu'on va parler de la fiancée de Chucky. Maman, But this time, there's more to fear. Because this time, he's got a playmate of his own. Bride of Chucky. C'est un film sorti en 98, réalisé par Ronnie Yu. Donc Ronnie Yu, réalisateur hongkongais, mais qui est connu en France pour ses films américains, enfin qui est connu à l'international pour ses films américains, comme La fiancée de Chucky ou Freddy contre Jason, qui est et mon Vendredi 13 et mon Griffe de la Nuit préféré. Mais ça, c'est un autre débat. La fiancée de Chucky raconte donc l'histoire de Tiffany, jouée par Jennifer Tilly, qui était en fait la copine de Charles Lee Ray, donc le tueur, le serial killer, avant qu'il ne se réincarne en poupée. Elle va donc user de ses charmes pour entrer dans un commissariat et voler les morceaux de Chucky. Elle va aussi draguer des mecs qui ont récupéré des morceaux de Chucky à droite à gauche, et elle va ressusciter Chucky grâce au vaudou, ce même vaudou qui lui a permis de ressusciter dans le corps d'une poupée. C'est à partir de ce film-là que Chucky adopte son design avec des cicatrices. Bah, d'ailleurs, sur les 8 films de la saga, si on compte le remake de 2019, il a ce design que dans 2 films, pourtant c'est celui qui lui colle le plus à la peau. Et il faut voir la gueule de l'autre film dans lequel est là ce design, parce que on parlera pas du fils de Chucky. Mais du coup, donc c'est à partir de ce moment-là que Chucky a ce design, et Chucky en fait va se mettre en tête de se réincarner dans un corps humain, mais pour ce faire, il a besoin de l'amulette de d'Ambala, un dieu vaudou, amulette qui se trouve sur son propre cadavre, sur le cadavre de lui quand il était humain. Et donc ils vont devoir traverser Chucky et Tiffany, une partie des États-Unis, pour retrouver cette amulette. Et de ce fait, ressusciter dans les corps des personnes qu'ils ont choisi pour ressusciter en eux, à savoir un jeune couple. Donc du coup, Chucky va ressusciter dans l'homme et Tiffany. Parce que oui, Chucky, au début du film, tue Tiffany et grâce au vaudou, met son corps dans une poupée. Donc Tiffany est aussi une poupée dans ce film. Et donc, j'adore vraiment beaucoup ce film. D'ailleurs, petit fun fact, mais au début du film, dans la scène d'intro, du coup... on voit une salle de pièces à conviction, et dans cette salle, on voit le gant de Freddy, on voit la tronçonneuse de Leatherface, on voit le masque de Jason, si je ne me trompe pas, et aussi le masque de Michael Myers. Tout plein de références comme ça, surtout quand on sait que 5 ans plus tard, du coup, Ronnie Yu réalisera Freddy contre Jason. Il y a aussi des références à Hellraiser, avec... un mec qui se fait tuer en se faisant transpercer le visage par des clous. Oui. Et apparemment, c'est aussi le film Chucky préféré de Brad Dourif, qui du coup double Chucky dans tous les films, sauf le film de 2019 où il est joué par Mark Hamill. Mais oui, c'est un énorme délire. La fiancée de Chucky, c'est une comédie d'horreur absolument grandiose. Ça, c'est mon Chucky préféré. Il faut se mater les Chucky au moins une fois dans sa vie. Les Chucky, c'est vraiment une saga culte du cinéma d'horreur. La musique, le thème de Chucky est magnifique, je trouve, avec ses... qui part un peu dans des délires de comptines à certains moments, et c'est magnifique. Il faut voir les Chucky. Même le 6 et le 7. Le 6 est très bon d'ailleurs. En gros, s'il y a deux mecs à retenir dans la saga Chucky, Il y aurait du coup Brad Dourif qui double Chucky dans les 7 premiers films, du coup. Et il y aurait surtout Don Mancini qui donc a réalisé Chucky 5, 6 et 7, il me semble, ou alors juste Chucky 6 et 7. Non, c'est ça, Chucky 5, 6 et 7, c'est ça. Et qui réalise actuellement des épisodes de la série télé Chucky qui est en pré-production. Mais il est producteur de la pièce de Chucky et il est surtout scénariste de tous les films, même du film de 2019. C'est vraiment Mancini, le papa de la poupée. Hugo, quelque chose à rajouter? Je suis le mec le plus mal placé pour parler de Chucky vraiment, donc non. Voilà. Juste, faut que je les rattrape. Voilà, simplement. Donc du coup, je vais enchaîner sur mon dernier film, à savoir donc REC de Jaume Balagueró et Paco Plaza. Viene una ambulancia inmediatamente. ¿Qué es eso? Muy bien. Es un género muy La situación es insostenible. Hay dos muertos. Donc, Reg, j'aimerais commencer par une petite anecdote. Enfin, quelques petites anecdotes rapides. Faut savoir que Jaume Balagueró, après avoir réalisé REC 1 et REC 2, il a fait un film qui s'appelle Malveillance. Et donc en fait, Malveillance, comment dire, en VO, en espagnol, s'appelle Mientras duermes. Et pourquoi Malveillance s'appelle Mientras duermes? Parce que c'est le nom de l'émission dans lequel travaille Angela, la personnage principale de REC. Voilà, donc j'ai trouvé Ouais, c'est ça vrai, vachement cool. en VF, c'est pendant que vous dormez. Enfin, la traduction littérale, c'est pendant que tu dors, qui colle plus à Malveillance pour le coup. Et ce qui me permet aussi de faire un rapprochement, quand je dis que je parlerai de cafard, c'est avec Malveillance. Où en gros, en fait, c'est l'histoire de Malveillance, c'est César, c'est un gardien d'immeuble. En fait, il a l'air gentil, mais c'est le mal absolu pour faire court. Et j'ai trouvé ça genre très drôle, parce que le mec a vraiment un trauma des immeubles, quoi. Genre quand tu vois REC, quand tu vois Malveillance, il s'est clairement passé un truc, ça s'est mal passé en immeuble, tu vois, et du coup il est dans son cinéma, mais ça s'est mal passé. Et en gros, oui, bon, je parle rapidement de la scène de Cafard, il y a un moment dans Malveillance où ça m'a dégoûté, où t'as Carla, le personnage qui se fait harceler, qui essaye de fuir sa maison en pique-cafard et qui, genre, est en écrasant en voulant fuir, et voilà, c'est une scène qui m'a répugné, je tenais à la partager. Voilà, voyez Malveillance aussi, c'est cool. Du coup, REC, c'est l'histoire, donc comme je le disais, de Angela, qui est reporter à l'émission Mientras Duermes, qui en gros fait un reportage avec des pompiers de nuit, voilà. Et ils sont appelés à une intervention, où ils arrivent dans un immeuble où on leur dit il y a quelqu'un qui a totalement pété un câble. Et en fait, petit à petit, ça va peu à peu vraiment partir en couille, c'est-à-dire que l'immeuble va être mis en quarantaine parce qu'il y a un virus qui transforme les gens en zombies. Voilà, tout simplement. C'est fait en fin de footage. C'est entre guillemets un des enfants du projet Blair Witch. On en avait déjà parlé, Roman, je crois que c'est dans l'épisode précédent. Mais Oui. je préférerais qu'à Blair Witch très largement. Alors, c'est très simple. Pour moi, REC, c'est le meilleur fan footage qui existe. Bah écoute. De ce que j'ai vu, oui, pour l'instant, oui, de ce que j'ai vu, oui, il m'en manque plein à voir, hein, genre des trucs genre Cannibal Holocaust, etc. Mais de ce que j'ai vu, oui, et en fait, j'ai bien aimé la construction du film. J'ai pas vu REC 2 encore, je sais que c'est la suite directe et qu'il faut que je le voie, Ouais. mais j'ai pas vu REC 2 Alors pour et le coup, j'ai vu les 4 recs, donc je pourrais parler un peu de la saga. ok, nickel. Bah oui, bah, du coup, je vais conclure pas vite fait sur le film. C'est un film qui a été au Goya la même année que L'Orphelinat, qui est reparti avec des prix, notamment le meilleur montage, notamment meilleure révélation pour Manuela Velasco, qui joue Angela. Qui n'est pas actrice à la base, qui est journaliste. C'est vrai, c'est totalement vrai. Enfin, elle est reporter, je crois. Oui, le reporter, oui. Oui, exactement. Donc voilà, c'est un film où le found footage est vachement bien maîtrisé, où je trouve qu'il y a une très bonne mise en scène, notamment dans la dernière séquence dans l'appart. Je crois que c'est tout en haut de l'immeuble, c'est ça? Oui. Ouais, c'est ça, dans l'appart tout en haut de l'immeuble. J'ai vraiment adoré ce passage. Et ouais, bon, franchement, j'ai vraiment rien à dire. C'est pas très long. C'est pas très long, c'est super bien fait. C'est fait avec 1,5 million d'euros, vraiment, quasiment, enfin, avec rien, quoi. Voilà, j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé Rec. Je sais plus avec quel prix il était reparti de Gérard May. Prix du jury, il me semble, de mémoire. Il me semble aussi, oui. Voilà, donc prix du jury à Gérard May. Non, prix du public. Ah, j'ai un doute. Récompense. Prix du jury, prix du jeune public et prix du public. Voilà, il y avait les deux. Il y avait les deux. Il y avait les deux. Ouais, donc vraiment, regardez Rec, c'est cool. Et puis, pour le coup, je pense que là, Roman pourra mieux développer que moi. Donc, je te laisse la parole. Alors, Rec, donc comme je l'ai dit, est mon fan footage préféré. Donc ça va être dur de rester objectif là-dessus. Je trouve le film excellent en tout, mais vraiment. C'est-à-dire que la tension, le film dure 1h10. La tension est génialement gérée. C'est magnifique comment le film réussit à te foutre en tension en si peu de temps et surtout à. Ben, le fan footage aide beaucoup à l'immersion. Et au moins les persos dans ce film, contrairement à Paranormal Activity Tokyo Night, ont une bonne raison de filmer. C'est-à-dire que là, c'est des reporters, et même quand, pardon, même quand le danger est juste à leur trousse, ils n'arrêtent pas de filmer parce que bah, c'est leur devoir de. C'est ce que dit Angela. Moi, c'est notre devoir d'alerter les gens sur ce qui se passe là. Et oui, le fan footage est excellemment bien géré dans le film. Et la tension est folle, les acteurs sont excellents. C'est beaucoup trop bien. Et alors, pour parler plus largement de la saga REC, REC 2 donc, est toujours co-réalisé par Balaguero et Plaza. Et donc, REC 2 est la suite directe de REC 1 qui se déroule la même nuit. Et où on suit du coup une équipe d'intervention juste après les événements de REC 1, où on suit des policiers qui vont ou des militaires qui vont essayer de secourir les survivants et de poser des bombes pour tuer ce qui pourrait rester de ce virus. Parce que c'est pas vraiment des zombies, c'est des infectés, même si c'est grosso merdo pareil, hein. Sauf que oui, les zombies, c'est une sorte de truc qui ressuscite les morts, alors que les infectés, ça te transforme en mec qui a faim. Et ça se gâte après dans la saga quand les deux se séparent. C'est-à-dire que d'un côté, on a Plaza qui va réaliser REC 3 Genesis, et de l'autre, on a Balaguero qui va réaliser REC 4 Apocalypse, qui sont, pour rester poli, bien en dessous de REC 1 et 2, sachant que REC 2 était déjà bien en dessous de REC 1. Et alors, en gros, REC 3, ça se passe pendant un mariage. D'accord. On retrouve pas les personnages du premier film, des deux premiers films. Si je crois qu'il y a un personnage en commun, mais vraiment anecdotique. C'est vraiment pas bien foutu, REC 3 Genesis. REC 4 Apocalypse. Bon, bah, ça porte bien son nom. Donc, on retrouve Angela, par contre. On retrouve Angela dans REC 4 sur un bateau. On dirait le début d'une blague nulle. T'as Angela Vidal sur un bateau. Bah, qui porte et très bien son nom et très mal son nom, parce qu'il le porte bien parce que bah, c'est nul. Mais qui le porte très mal parce que bah, l'apocalypse. Il est censé arriver après le cliffhanger qu'on a à la fin du film. Pourquoi l'appelez-vous Apocalypse? C'est très bizarre. Mais pour le coup, même si Plaza est pas bon quand il fait REC 3 seul, il est très bon quand il fait ce chef-d'œuvre qui est Véronica. Et je voulais parler de Véronica. Parce que c'est putain d'excellent. C'est un des films qui m'a foutu le plus en tension ces dernières années. J'avais vu en salle quand il est sorti début 2018. C'est excellent. C'est Putain, d'excellent. Je sais pas du tout quel prix il a eu, si Hugo, tu peux peut-être te renseigner en parallèle ou alors. Mais donc Véronica, ça raconte l'histoire de lycéennes qui font une séance de Ouija et où une d'entre elles va se retrouver possédée par un démon qu'elle voit partout, qu'elle voit menacer sa famille, ses frères et sœurs, sa mère, qu'elle voit chez elle, qu'elle voit la suivre partout. Et je peux en dire plus, mais ce film m'a mis mal. Mais vraiment, à voir en salle, c'est assez éprouvant. Je l'ai revu une fois, il faudrait que je le revoie aussi. C'est excellent, c'est vraiment excellent, Véronica. Apparemment, il a été au TIFF, Véronica. Ouais. D'après l'affiche, il a été au Toronto International Festival. Mais du coup, il a eu le Goya du meilleur son. Ah oui, Goya. Ouais, il a eu le meilleur son, nommé pour le meilleur film, la meilleure actrice, meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleure bande son et meilleurs effets spéciaux. Voilà. Voilà, parce que oui, du coup, on a des effets spéciaux dans le film, évidemment. Vu qu'on parle de possession démoniaque, c'est Véronica, c'est magistral. Là où je crois pas avoir vu d'autres films de Balaguero seul. Eh ben regarde Malveillance du coup. Ouais, faut regarder Malveillance. J'ai aussi en DVD Darkness et Muse. Il est scénariste de. Je crois qu'il est. Ouais, c'est bizarre. J'avais vu En quarantaine. Sans affiche IMDb en quarantaine, qui est le remake américain de REC, en fait. Ah. REC a eu un remake américain qui s'appelle En Oh. quarantaine. Putain, j'ai pas envie de voir ça. Il paraît que c'est pas terrible, mais enfin. À voir. De toute façon, les remakes américains en général. Putain, regarde tous les. Non, mais regarde tous les films français, même les. Tu vois, tu restes en France, hein, tous les films français qui ont été. Remakés aux States. Tu regardes, tu prends un tout ça, tu prends le Dîner de cons, tu prends les visiteurs. C'est de la merde. Pour le coup, j'ai des exemples de remakes américains de films français qui sont très bons, hein. Comme. Bah, comme True Lies de James Cameron. Qui est un remake de. Remake du film La Totale avec Thierry Lhermitte. D'accord, je l'ignorais. Mais. Enfin, L'Armée des 12 singes de Terry Gilliam. Remake de La Jetée. tout ça pour dire que. Tout le monde n'est pas Terry Gilliam. Ou James Cameron. Ou James Cameron. En bref, REC, c'est génial. C'est un putain de chef-d'œuvre. Hugo, t'es d'accord avec moi? Je suis entièrement d'accord. Voilà, regardez REC. Regardez du cinéma de genre tout court. Voilà, c'est pour ça qu'on fait ce genre d'émission. Et regardez du cinéma espagnol parce que mine de rien, je suis dans une phase où je regarde de plus en plus de cinéma espagnol et c'est vachement cool. Enfin, quand je dis je regarde du cinéma espagnol, je regarde du cinéma de genre espagnol. C'est vrai que je regarde pas trop autre chose, mais c'est vachement cool. Vraiment, c'est super cool. D'ailleurs, moi. Je suis allé en Espagne 2 jours cet été. Je suis allé à Bilbao, donc c'était vraiment à la frontière. Et je me dis, faut pas que je parte d'ici sans un film espagnol. Et Et je tu me suis dit, les Espagnols, ils sont chauds en quoi? En film d'horreur. Oui, c'est très chanteur. Et donc, je suis sorti du magasin avec bah c'était une Fnac, en plus d'ailleurs, je crois. Avec le Blu-ray de Moussa, ou Muse, du coup en français, de Balagueró. Je n'ai pas vu. Moi non plus, mais du coup j'ai un Blu-ray espagnol d'un film d'horreur espagnol. Et j'aime bien. Ah, du coup, dès que je vais dans un pays, j'ai envie de me barrer avec un DVD. Genre, Envie. quand je suis allé en Italie, je me suis barré avec une édition italienne de Evil Dead 3. Je te ramènerai un truc du Portugal, c'est pas cher là-bas en plus, parce que les gens ils gagnent pas très bien leur vie, donc les trucs sont moins chers. Vas-y, si tu trouves. Est-ce que ça existe des films d'horreur portugais? C'est de Ça la doit brique. être fieuse. Oh, ferme ta gueule, toi, le mec revient et il apporte du racisme. Attaque à la moustache. Une fois n'est pas coutume, j'ai eu un problème technique au moment de l'enregistrement. Du coup, je fais cette petite outro au moment du montage. Du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu sur les films du passé. Si vous n'avez pas écouté celui sur les films de Gérard May 2021, n'hésitez pas. Il est dispo depuis quelques jours déjà. Et j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Et sur ce, je vous laisse avec l'intro Kulisse a enregistré au moment de l'enregistrement. Et ce qui est marrant, c'est que je finis ce montage à la même heure où on a fini l'enregistrement. Donc finalement, on n'est pas trop décalé. C'est juste l'histoire de quelques jours. Allez, au revoir à tous. Du coup, on espère que ces deux épisodes vous auront plu, qu'on vous aura pas fait trop chier, qu'on ne se sera pas mis trop de personnes à dos. En tout cas, la semaine prochaine, enfin, la semaine prochaine, au prochain épisode, nous allons parler de je ne sais pas quoi, je ne sais pas quand. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un jour, on parlera de Kaamelott, d'Evangelion et de A24, sûrement. T'as un truc De à dire, Star Romain? Wars et Star Wars. Ouais. Ça fait un sacré planning. Ouais. Je suis presque à jour sur le MCU, il faut juste que je regarde WandaVision. Je regarderai quand on y aura tout qui sera sorti. Et bah dans une semaine et demie du coup. Ouais. Bref, oui. Sur ce fut fort sympathique. Merci à vous les gars. Et je rends l'antenne.